sonné, t'as ouvert tes volets. À nouveau la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral. Tu et tes fourmis deviennent cigales. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gémozo 107 FM. Merci d'être à l'écoute. Vous nous suivez sur le web www.radiogémozo.eu. Nous sommes en direct, voilà. Ainsi que sur les réseaux sociaux. Plus de 700 personnes ont vu la publication pour l'émission de cette semaine. Alors bonjour le Québec, il est 10h là-bas au Québec. Alors je fais les bisous à ma petite équipe, Lynn et Huma. Bonjour Lia. Bonjour Gilou. Tu vas bien ? Je vais très bien, merci. Et toi ? Voilà, ça va bien. Voilà, on a un petit peu moins de soleil aujourd'hui, mais bon. C'est vrai. C'est comme ça, c'est le temps. Alors, je fais un petit coucou aussi à mes amies animatrices. Mado, Radio Puisalène, Emmanuel aussi, Beauvais. Et puis Dany, voilà, qui nous suivent régulièrement dans cette émission. Vous êtes avec Gilou dans les années bonheur. Je vous accompagne en musique et en direct jusqu'à 17h. J'ai le plaisir de recevoir dans quelques instants par téléphone un artiste de la région Alsace, Manuel Strasser, qui va nous parler de son univers musical. N'hésitez pas à nous laisser des petits messages sur nos pages respectives, Radio Gémozo et Gilles Mougel officiel. Je transmettrai en direct à l'antenne à mon invité que je retrouve maintenant. Bonjour Manuel. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, ça va, malgré par ce temps. Ouais, c'est vrai que ça s'est un petit peu rafraîchi, on va dire. Oui, bah chez nous aussi, je pense que ça doit être un peu pareil partout. Ouais, c'est vrai, oui. Manuel, bienvenue sur nos ondes. Merci. Bonjour à tous. Voilà, alors donc je suis accompagné de Lia. Bonjour. Qui est à la technique, voilà, avec moi aujourd'hui. Bonjour à ton invité. Comme tous les jeudis. Voilà, Manuel. Alors, c'est vrai qu'en Alsace, tu es de la région Alsace. Hein. Oui, c'est ça, Bas-Rhin, pour être... Le Bas-Rhin, ouais. Le Bas-Rhin, ouais. D'accord. Une région que je connais bien. Voilà, j'ai encore de la famille par là-bas. Comme quoi, le monde est petit. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est souvent comme ça. Souvent, hein. Ouais, c'est vrai. Et puis, c'est une belle région, l'Alsace. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que... Ouais, le pays de la tarte flambée, de la choucroute, voilà. Et des vaches. Avec le petit gewürz qui va avec, quoi. Gewürz, voilà, tout à fait, c'est exactement ça, ouais. C'est pas mal. C'est vrai que c'est un peu le pays de la gastronomie, effectivement. Ouais. Ah oui, c'est ça. Et les calories. Et des calories. Oui, alors, des calories. Il est 16h. Bon, je commence pas à avoir une petite faim quand même parce que tu parles de choucroute et tout. Non, bon. Ça... pas trop l'heure. Mais c'est l'heure du goûter, par contre, à la limite. Oui, ça pourrait être l'heure du goûter. Ouais. Voilà, Manuel. Donc, c'est un plaisir de te recevoir sur nos ondes. Apparemment. Voilà. Alors, tu es donc chanteur. C'est ça. Tu composes, tu... Non, à la base, je ne compose pas. J'ai voulu faire une composition, histoire d'avoir une fois aussi ma chanson. Oui, bien sûr. Donc, comme je ne suis pas musicien, donc c'est pas évident, hein, vu que je suis obligé de me munir et de trouver des musiciens, donc automatiquement, c'est toujours pareil, hein, c'est aussi un budget. Ah, bien sûr, bien sûr. On va dire que les reprises, c'est comme un plus petit budget que les compositions. Mais à la base, non, je ne compose pas. D'accord, j'en ai fait une, peut-être que j'en referai encore, mais c'est pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est énormément de boulot. Hein, De créer la mélodie, les paroles et tout ça, quoi. Et bien sûr. Passer un bon bout de temps dessus. Donc tu n'écris pas non plus, hein. Ben après, écrire, si, je pourrais, mais... Ouais. Mais Non, actuellement, je me concentre beaucoup sur les reprises, mais j'avais bien envisagé, effectivement, par la suite, pourquoi pas, de refaire effectivement une composition. Ça me plaît assez bien de composer, effectivement. Ouais. D'accord. Oui. Parce que donc, sur les chansons que tu m'as envoyées, hein, alors voilà, donc il y a deux, trois reprises hein, que l'on écoutera, puis bien sûr les autres, hein, on va essayer d'écouter le maximum. Oui. Hein, c'est vrai. Et alors, cette passion, parce que pour toi, je pense que c'est une passion, la chanson. Bah, en fait, oui. J'ai ressenti comme ça. Oui, bah en fait, j'ai commencé à peu près à chanter bah, quand j'avais accès à la parole. Donc déjà là, je commençais à casser les pieds à tout le monde. Ah oui. Bon, ça, c'est un peu tous les artistes, hein, tu sais. Ouais. Non, on va dire j'ai commencé assez tard quand même. Enfin, ouais. J'ai toujours aimé chanter, mais j'ai commencé vraiment à faire quelque chose à l'âge de 25 ans. Donc j'en ai 31 aujourd'hui. Ouais. Ah ben, aujourd'hui. Ah bah non, pas aujourd'hui, enfin pour dire aujourd'hui. Ah oui, d'accord, non, ok. Non, j'ai ouais. pas 31 ans aujourd'hui, pas le jour même, non. Oui, ok, j'ai voilà. compris. Mm. Ouais. Et on va dire que j'étais un peu comme beaucoup, je pense, de chanteurs, ou même de personnes qui ne chantent pas. Là. Je pense que comme beaucoup de personnes, j'étais le chanteur de salle de bain, on va dire, hein, donc dans la oui. chambre et ce genre de choses. Puis pour les fêtes de famille, peut-être aussi. Non, même pas. Jusqu'à 25 ans, je n'ai jamais chanté devant des gens. Ah d'accord, ok. Bah, je pense beaucoup à la timidité, le stress, ouais. le trac, la confiance aussi, hein, comme je pense que même pour beaucoup de chanteurs, même professionnels encore aujourd'hui, c'est toujours un moment assez intense hein, avec le trac et tout ça. Bien sûr. Voilà, donc en fait j'ai commencé donc à 25 ans, donc je me suis inscrit à une audition en fait pour une association de spectacles de la chanson française. Donc grosso modo, pour résumer, c'est un peu l'image de la comédie musicale. Hein, oui. Donc nous reprenons en fait des chansons que nous faisons vivre à travers des décors, des costumes et des danses. Donc donc là j'ai commencé à passer donc une audition, donc et après j'étais sélectionné. Oui. Et donc c'est vraiment là que j'ai commencé à faire des prestations, des concerts. C'est vraiment eux, on va dire, qui m'ont lancé, puisqu'avant je n'avais jamais chanté devant des gens. Oui. Ils m'ont offert un public, ils m'ont offert une scène et tout ça. Et bon, j'avoue que les premières fois, j'étais plusieurs fois au bout de la crise cardiaque. Hein. Oui, c'est grisant quand même. C'est très... Chanter devant ah oui, qu'on n'a pas l'habitude personnes. À 25 ans, effectivement, c'est assez... ouais, c'est pas évident. Hein. Et donc l'association s'appelle Cocktail Mélodie. Oui. Je sais pas s'ils m'entendent, mais en tout cas, voilà, si jamais ils m'entendent, je leur fais un coucou. Ben, bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Tu peux. Voilà. Après, j'avais pas encore à ce moment-là créé ma page Facebook et YouTube. Donc en fait, j'ai commencé à vouloir enregistrer, à faire des reprises. Donc j'ai regardé les petits studios dans le local, donc vers chez moi. Oui. Et je suis tombé donc sur mon premier studio, donc qui s'appelle Sairu Studio, que je salue aussi. Ouais, ils vont quand même me gronder parce que je parle à dire correctement. Non, Sairu Studio, voilà. Et donc en fait ceux qui m'ont aidé à créer ma page Facebook et YouTube, donc j'ai commencé à faire mes reprises donc via eux. Oui. Et après bon ben j'ai fait énormément de choses avec eux. Après j'ai voulu changer parce que bon dans ce domaine-là il faut connaître énormément de monde. Hein, les contacts c'est très très important. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc après j'ai trouvé donc un autre studio local. Donc là c'est Star Production. Donc c'est avec qui je travaille donc actuellement. Oui. Et en fait c'est une famille de musiciens. Donc un orchestre alsacien avec voilà qui anime des bals, des soirées, tout ça, donc où je suis aussi de temps en temps un des invités qui ah oui, donc, ouais. qui chante lors de leur concert, de leur prestation, voilà, tu fais quelques chansons voilà de toi, voilà c'est fait, bien donc ouais. Je suis voilà un invité en fait hein. Et donc là j'enregistre beaucoup avec eux. Ensuite j'ai fait des concours. Donc j'ai fait des petits concours, j'avais fait un concours pour une bonne action, donc c'était pour une, c'était pour une petite fille autiste, c'était pour récolter des fonds pour lui acheter un chien d'assistance. D'accord, ouais, c'est... Et après j'avais fait un autre concours local, donc ça c'était vraiment mes deux premiers concours, donc là pareil, hein, j'étais aussi au bout de ma vie, hein, comme à chaque fois. C'est toujours, voilà. Bon, maintenant, ça va quand même mieux. Bon, après, le C-Track, il y est toujours. Et après, ben là, l'année dernière, donc je m'étais inscrit au pré-casting de The Voice. Ah oui, d'accord, oui, ça faisait maintenant 5 ans que je chantais. Bon, après, je suis surtout sur les réseaux sociaux, en fait. Hein. C'est plus sur les réseaux plus sociaux sur les réseaux, que je me d'accord. démarche. Que, voilà, parce que moi, il faut... Donc, The Voice en 2018. 2018. D'accord. Enfin, c'était les pré-castings du 2018 pour le 2019, en fait. D'accord, ok. Voilà. Ouais. Donc, on y avait... pas dire de bêtises, il me semble en grosso modo environ dans les 200 participants, donc pour les pré-castings, hein, je précise bien, voilà, donc 200 personnes, donc là j'étais sélectionné, donc ils en ont retenu à peu près entre 75-80 personnes, à peu près une centaine, pas tout à fait, je sais plus exactement, et donc ça s'est passé à Strasbourg, donc dans le Bas-Rhin. Et donc on a fait les premiers castings, donc après ils ont retenu, pour la finale ils avaient retenu, on était encore une quinzaine ou une vingtaine à peu près de participants, donc j'ai eu la chance de pouvoir accéder en finale sur les 200, et après malheureusement ça n'a pas passé. Si j'avais pu passer encore cette étape, là j'aurais pu aller sur Paris à ce moment-là. D'accord, et c'est très sélectif, hein, là, je pense. Ah oui, c'est très sélectif, surtout que bon... malgré que ça fait que 5 ans que je chante, j'espère maintenant faire mieux cette année. Je vais repasser les balades, il y a les castings qui sont ouverts de nouveau, donc je vais retenter ma chance. Et j'étais quand même assez... Je pense que voilà, malgré le track et tout ça, je m'en étais plus ou moins bien sorti. Bon, après, c'est jamais évident, puisque bon, il y a beaucoup de professionnels. Ah bah oui, bien sûr. Malheureusement, voilà, bon, même si c'est un concours amateur, il y a quand même pas mal de professionnels, des gens dans la musique, peut-être même des professeurs de chant, mais je sais que c'est beaucoup de musiciens en général déjà à la base. Donc c'est vrai que c'est pas évident, puisque bon, il y a quand même... Je pense que c'est aussi le manque d'expérience aussi par rapport à certains qui font ça depuis 15-20 ans. Oui, bien sûr, oui. Ouais, et puis bon, surtout que c'est pas évident. C'est un peu le seul regret que j'ai eu, effectivement, c'est d'avoir commencé tard. Parce que dans le monde de la musique, 31 ans, c'est, entre guillemets, c'est plus si jeune. Hein. Ouais, mais bon. Comment prendre des jeunes de 19 ans quand ils sont plus modelables et c'est vrai qu'à 31 ans, c'est plus compliqué. Ouais, mais écoute, encore, bon, attends, 31 ans, c'est le bel âge. Tu peux encore faire de belles choses. Dans la musique, c'est vrai. Pour se lancer, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Après, bon, comme je disais, c'est la passion, hein, je pense, c'est la passion. Ah oui, mais là-bas, c'est surtout ça. Hein. C'est vraiment la passion, c'est surtout pour apporter du plaisir aux gens, du bonheur aux gens. Voilà, ouais. Si je peux les apaiser ou n'importe pendant quelques minutes le temps d'une chanson, moi, j'ai tout gagné dedans. C'est ça. Puis le rôle d'un artiste comme ça, quand il a fait sa chanson, les gens, les spectateurs qui sont là, quand ils repartent... Qui repartent chez eux et puis qui ont retenu certaines chansons et puis qui je veux dire ils repartent contents, etc. C'est exactement ça. Et là l'artiste a accompli son rôle, c'est exactement ça parce que bon je ne gagne pas d'argent, donc dans ce milieu, bon je travaille, j'ai un métier, mais vraiment une passion, donc je n'ai aucune rentrée d'argent. Je fais qu'en dépenser. Ah oui, voilà. Bah oui. J'ai connu ça aussi un petit peu. Oui, il faut avouer que ça coûte des bras. Hein. C'est... Ah bah, je, oui, c'est je... pas un, mais des, hein, mais voilà. Mais... Ah oui, bah oui, après, c'est sûr. Vrai que c'est une passion. C'est une passion qui coûte cher, mais bon, c'est vrai que c'est à la base vraiment, c'est bon déjà pour moi, mais c'est vraiment plus pour le partage en fait avec les gens et essayer de leur apporter un peu de bonheur ou leur verser quelques larmes, puisque bien sûr, ça fait partie aussi. De chansons assez tristes. Hein. La plupart des chanteurs que je reprends, ce sont des chanteurs décédés. Donc, c'est un peu glauque, mais bon, voilà. Bon, bah, pour les prochaines, il faudra faire des chansons avec des artistes, enfin des reprises avec des artistes qui sont encore là, je sais pas. Ouais, ou des récents, mais après, c'est vrai que pour moi, personnellement, j'adore vraiment les années 80, les vieux tubes. Ah oui, bien sûr. Hein, les vieux tubes, ça Balavoine. Freddie Mercury, qui pour moi est une légende vocale. Hein. Oui. Et donc, c'est vrai que, on va dire, avec les chanteurs d'aujourd'hui, même s'il y a de très très bons chanteurs, j'ai un peu plus de mal. Ouais, moi c'est pareil, tu vois, je te rejoins là-dessus. Et surtout que je n'ai pas la voix maintenant pour faire comme beaucoup de musique aujourd'hui qui sont assez R&B ou rap ou ce genre de choses. Ah oui, non, ça c'est... Voilà, avec ma voix claire, je ne peux pas faire ce genre de choses. Mais il y a une chanson, donc j'ai écouté tes chansons, bien sûr, hein, et il y a une chanson, donc c'est une reprise d'Amir. Ah oui, longtemps. Là, avec ce titre Longtemps. Je veux dire, c'est impressionnant, quoi, je veux dire... Bah oui, je sais pas, ta voix, et puis je sais pas, c'est... Sur le coup, je me suis dit, je cherchais un petit peu le titre, tout ça, puis je me dis, mais je connais, et puis, après j'ai cherché, j'ai dit, bah oui, c'est Amir, c'est une reprise d'Amir, mais c'est très bien interprété. Hein. Bah je voulais en fait, une fois aussi reprendre des chansons un peu récentes qui venaient de sortir. Oui. Alors bon, j'essaie toujours d'être un peu à l'affût de tout, et puis il y avait cette chanson où j'ai vraiment craqué sur les paroles. Je trouvais que les paroles étaient vraiment très très fortes et j'ai beaucoup aimé les paroles. Après, on va dire, je suis plus un chanteur à voix, donc j'aime plutôt les performances vocales, si on veut. Oui. Et c'est vrai que maintenant, c'est une chanson, Amir, voilà, cette chanson, c'était une de mes préférées, j'ai vraiment adoré, c'était aussi pour faire quelque chose de récent. Mais après, on va dire, c'est maintenant une chanson où j'ai eu beaucoup d'émotions à la chanter, mais vocalement, on va dire, je me suis moins amusé que sur les autres que j'interprète en général. D'accord, ok. Bon, si tu veux, Manuel, excuse-moi. Oui. Non, excuse-moi, je te coupe. Oui, bien sûr, pas de souci. Voilà, on va écouter une première chanson, si tu veux bien. Oui, pas de souci. Hein, donc, on va commencer un petit peu dans le rythme, avec ce titre, « Laissez-nous chanter ». D'accord. Voilà, et puis on en reparle après. Pas de souci. Laissez-nous chanter. voilà, une belle chanson. Donc ça, c'est une reprise de Émile et Images. Oui, de si je me trompe pas, Manuel, c'est bien ça. Mmh. C'est ça, tout à fait. On est parti un petit peu dans le rythme là, mais. Pardon. Je dis, on est parti dans le rythme. Oui, tu peux. Vrai, hein, effectivement. Bah ouais. C'est vrai que j'ai beaucoup de slow, mais bon, je fais aussi des chansons rythmées quand même. Ah ouais. Alors Manuel, est-ce que tu as déjà fait un album? Oui, j'en ai fait. Tu en as fait, d'accord, ok. Oui, bon, c'est des albums que j'ai fait donc pour Noël, pour la famille, ce genre de choses, vu que je n'ai pas le droit de les vendre. Donc, oui, bien sûr, voilà. Ouais. Donc c'était des albums privés en fait que j'avais fait effectivement, oui. D'accord, mais bon, on peut peut-être en parler. Enfin, c'est toi qui, c'est comme tu le sens, mais. Oui. C'est pas grave. Aussi, oui. Ouais, c'était des chansons que tu as faites donc. Qui sont toutes sur YouTube ou Facebook, ouais. Quoi, effectivement. Ouais. D'accord. Mm. Et puis donc on écoutera tout à l'heure l'appel. La composition. Voilà, il a été clippé celui-ci, hein. Et puis c'est ta composition. Oui, c'est vrai. Hein, tu es auteur hein, de ce titre-là. Et il y a un clip, hein, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. J'avais fait un petit clip dessus, effectivement. Oui. Ouais. Hmm. Avec l'équipe, justement, avec lesquelles je travaille. Ouais. Avec lesquelles tu travailles, d'accord, ouais. Mm-hmm. Alors, on parlait de The Voice tout à l'heure. Mm-hmm. Moi, je veux dire, ça doit être quand même impressionnant, quand même, de chanter devant ces professionnels, je dirais. Oui, bon, c'est quand même c'est quand même la plus grosse émission donc de chant télévisé. Ouais. Donc quand vous montez sur scène, en une seconde vous avez Parkinson déjà. Oui. Ça va. Bon. C'est exactement ça. Et puis des fois ouais, c'est vrai que bon, on peut avoir le trac, c'est sûr, je comprends bien, hein, mais il y a des fois le côté adrénaline, ouais, je dirais. Ouais, c'est l'adrénaline, pardon. Qui peut aussi nous pousser, je veux dire. Nous donner. En fait, ça double tranchant. Bah, pas trop loin, mais. Ça double tranchant puisque je veux dire, avec le trac, on peut faire beaucoup de choses, par exemple, ou avec le stress, ou avec l'adrénaline, mais vocalement, c'est très très compliqué. Que bon, oui. Il y a quand même 200 muscles qui travaillent, donc il suffit que vous avez un nœud dans le ventre ou dans la gorge ou que quoi que ce soit, ça se sent tout de suite. Si maintenant, par exemple, vous êtes un peu fatigué, vous n'êtes pas trop bien, vous avez maintenant beaucoup de trac, il y a quand même beaucoup de choses que vous pouvez faire, que ce soit dans la musculation ou dans n'importe quoi. Vous avez quand même, vous pouvez quand même vous dire, allez, j'y vais, je me motive et ça va y aller et ça marche. Mais le problème, c'est que vocalement, il ne faut pas se le dire, s'il y a quelque chose qui coince, ça coince et c'est fini après. C'est fini après, ouais. Est-ce que tu as pris des cours de chant? Alors, j'en avais quand tu as commencé à chanter J'en avais pris, alors quand j'avais commencé j'avais commencé avec des cours de chant vers 23 ans, 24 ans, j'avais commencé une fois. C'était la première fois que j'avais commencé. J'en ai fait pendant un an parce que bon, c'est très très cher. Oui, bien sûr. C'est très très cher. Donc après j'ai arrêté, puis après j'ai trouvé un autre professeur de chant. Donc lui il était un peu moins cher. Oui. Et pareil, j'en avais fait pendant peut-être 2 ans. Et après bon ben les choses ont fait aussi que j'ai arrêté pour question budget. Ben oui. Après j'en ai plus vraiment refait. Donc on va dire que ça fait quand même 6 ans que j'ai plus pris de cours. J'ai peut-être fait 3 ans de cours à peu près, ouais. D'accord. Chant. Mais enfin moi je pense qu'il y a des choses qui restent quand même. Déjà, ce que tu avais appris, je pense, enfin, moi, ça m'est arrivé aussi, parce que bon, voilà, j'ai fait 2-3 petites chansons aussi, moi, pour la passion aussi, pour le plaisir, et j'ai fait 10-15 de cours de chant, je crois. D'accord. Mais je pense quand même qu'il y a des choses qui restent, même si on n'en fait pas tout le temps, mais je sais pas, les techniques de respiration, tu vois, tout ça, je pense que ça, ce qu'on a appris, ça permet aussi ça de peut-être un petit peu de, comment dire, d'évacuer un petit peu peut-être, non On va dire que les cours de chant, ce n'est pas vraiment fait, enfin, principalement, c'est fait pour les gens qui chantent, effectivement, mais c'est vraiment pas fait que pour dans ce domaine-là. Ouais. Ça peut être pour une réunion, pour un entretien de travail, pour la vie de tous les jours, parce que bon, c'est une question de savoir respirer, car ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même énormément de gens qui ne savent pas forcément, ou qui ne savent plus respirer correctement, avec le trac, par rapport au respirer. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens respectent les poumons, respectent avec le ventre, enfin, tout ça. Et c'est vrai que les cours de chant sont aussi vraiment bien pour. Ça peut être pour quelqu'un qui doit prendre la parole, pour un patron, pour n'importe quoi. C'est une question en fait de détente et de. Vraiment pour. pour se poser vocalement et puis aussi surtout pour s'échauffer la voix, pour éviter de faire des discours de une heure et après en ayant mal à la gorge, oui, après avoir un étau au fond de la gorge, donc c'est très important. Après, pour l'autre question, bah en fait, le truc, c'est que comme je chantais beaucoup à la maison et dans la salle de bain, donc surtout souvent le truc à pas faire parce qu'on prend de très mauvaises habitudes, oui, très très mauvaises habitudes, et après quand à 20, parce que comme quand vous apprenez la guitare ou un instrument, je pense à 25 ans, ben pour enlever les mauvaises habitudes c'est très très compliqué. Et je pense que même si j'en ai fait que 2 ans ou 3 ans dans ma vie et que ça fait 6 ans que j'ai plus rien fait, je pense que j'ai quand même perdu, je pense, pas mal d'initiatives, ce genre de choses. Et j'ai repris, je pense, involontairement mes erreurs de jeunesse. Oui, d'accord. Oui. Bon, c'est sûr qu'il faudrait, c'est sûr qu'il faudrait travailler tous les jours, ah oui, en fait. Ah, c'est, dès qu'on chante, il faut travailler tous les jours, même si on n'a pas de prestations, même si on n'a pas de choses comme ça. Ça. Mais il faut travailler tous les jours, je pense. Hein. Oui, c'est ça. Tout le monde après, le dit. Je pense que quand on n'a pas vraiment de prestations, ce genre de choses, on se donne moins les moyens. Parce qu'on se dit pourquoi ou... Mais c'est vrai que c'est tellement important parce que les cours de chant, ça augmente grandement en fait les capacités vocales. Parce que bon, comme c'est un muscle, on peut faire tellement de choses et en fait on se rend pas compte de l'étendue d'un potentiel, jusqu'où on peut aller en fait, c'est comme un challenge. Ah oui, c'est vrai. Jusqu'où on peut aller, jusqu'où la voix est capable d'évoluer en fait. Et c'est vrai que les cours de chant font énormément de choses. On peut chanter pendant des heures sans jamais se faire mal à la gorge. Oui, et sortir. Ce genre de choses. Hein. Mm-hmm. Parce qu'on s'abîme quand même beaucoup les cordes vocales à force de chanter tout le temps, surtout avec des mauvaises techniques. Oui, oui, oui. Donc j'en fais partie aussi. Mais c'est vrai que c'est ça, ça apporte des choses. Moi, je sais que bon, j'en ai fait quelques cours, mais je veux dire, ma prof de chant, elle m'a fait sortir des notes que je ne savais même pas que je pourrais. tu oui, vois qu'on ne pensait même pas. Qu'on ne pense fait, même pas, voilà. Ah ouais. Mmh. Et c'est vrai que d'un côté, je me dis effectivement, si j'avais continué, où est-ce que, jusqu'où j'aurais pu aller, qu'est-ce que j'aurais encore pu sortir comme note, qu'est-ce que j'aurais pu. Voilà. Bien enfin, sûr, après, bon, c'est pas évident. Voilà, par exemple, c'est vrai qu'en plus, j'améliore pas les choses vu que je suis fumeur. Donc, Ah oui, d'accord. oui, c'est vrai. Ouais, que, c'est, voilà, c'est pas évident. Et puis, comme tu le disais, c'est vrai que c'est un coup aussi, hein, si on prend les cours de chant, les enregistrements. Oui, en fait, c'est vraiment un coup si on veut tout faire parfaitement. Après, je pense que c'est sûr que si j'avais été professionnel, n'importe quoi, oui, j'aurais fait tout ça. Mmh, parce que le but aurait été plus. Mais là, comme c'est vraiment plus une passion, je me dis, voilà, je me prive pas forcément. Et puis c'est vrai que je me dis, est-ce que ça... Bien sûr, ça en vaut toujours la peine. C'est sûr, ça en vaut toujours la peine, ça c'est sûr. Non, puis c'est... La passion, on peut rien contre. Hein. On peut rien contre. Hein. On fera des efforts, on fera des tout ça, mais on peut rien contre. Hein. Non. Voilà, une fois que, enfin, je suis pas là pour parler de moi, mais bon, moi j'ai fait quatre petits titres et puis j'en avais fait deux. Et puis après, je dis stop, j'arrête parce que bon voilà, je m'étais fait plaisir, je voulais voir comment ça se passait en studio, ouais, la technique et tout. Mais le problème, c'est quand tu as mis les pieds dedans. Ouais, tu vois, un petit peu dans le domaine artistique, on va dire comme ça, quand tu as mis les pieds dedans, enfin, moi j'ai ressenti ça comme ça, tu peux plus t'arrêter, quoi. Mais ouais, bon, après, voilà, c'est après, il faut que ça suive au niveau financier. Ouais, c'est ça. Hein, puis c'est après, ça. Dans les cours de chant, on ne chante pas spécialement. C'est surtout que des vocalistes. Oui, des vocalistes, oui, que aussi, bien sûr. Des vocalistes, on chante pratiquement pas, c'est pratiquement une heure de vocalise. Ouais, c'est vraiment que ça, il n'y a rien d'autre. Et après, bon, c'est surtout, il faut le faire à la maison. Oui, enfin, continuer, tout ça, voilà. Alors, j'espère que les voisins n'entendent pas, parce que sinon ils vont se dire, mais c'est quoi ça? Parce qu'avec certains exercices qui sont quand même très très perturbants. Hein. Oui. Moi, je me souviens, quand je partais, quand j'avais mon heure de cours de chant, je partais, puis dans la voiture, bon, j'avais une quinzaine de kilomètres à faire pour rejoindre ma prof de chant, là. Ben, avant d'arriver, je commençais, tu sais, déjà à faire des petits exercices avec ma bouche, oui. Tu sais, comme elle me montrait. Oui, pour descendre, ouais. Ouais, je faisais des petits exercices, je me disais, tiens, si y a quelqu'un qui passe en face de moi, qui me voit faire des mimiques. Oui, c'est sûr. Vas-y, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ça paraît tout bête, mais effectivement, après, ça embellit votre voix. Par exemple, si maintenant je devais chanter, par exemple, Amir ou quoi que ce soit, quelque part maintenant, tout de suite, ben voilà, bon, oui, ça irait. Un petit peu, ouais. Par exemple, pour faire du Gold, ou pour faire du Queen, ou pour faire ce genre de choses. Si là, maintenant, je devrais faire quelque chose, j'aurais la voix qui partirait un peu, les notes sortiraient pas, j'aurais des cassages de voix. Ah mince, alors parce que Moi, j'avais prévu de, t'écouter comme ça un petit peu en live. Non, je plaisante. Si tu veux, Manuel, si tu veux, Manuel, on va écouter une autre chanson. Mm-hmm. Alors, c'est ce titre, hein, L'Appel. Oui. Hein, ce titre dont tu es l'auteur. Oui, voilà, l'auteur et l'interprète. Et l'interprète, bien sûr. Mais pas le compositeur. Et l'interprète, bien sûr. Le compositeur que je salue, William Mater, ouais. Qui en fait est aussi un quelqu'un qui donne des cours de chant et qui est chanteur aussi. Donc c'est lui qui m'avait en fait composé cette chanson à la guitare. Cette chanson-là, d'accord. Alors on écoute L'Appel. Voilà, donc Manuel Strasser sur les ondes de Radio Guémozo cet après-midi dans les années bonheur. Voilà, Manuel, on vient d'écouter L'Appel, oui. Une belle chanson. Et donc, tu as fait un clip qui est sur YouTube. On peut le voir sur YouTube. Oui, sur Manuel Strasser Musique. Voilà. D'accord, ok. Alors, Manuel, donc il y a de tes chansons, il y a des reprises, mais comment tu te projettes dans le futur ? Est-ce que tu vas faire un jour un album ? Bon, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure niveau finance. Je dirais, mais est-ce que tu penses quand même faire un jour un album avec 10 ou 12 chansons que tu présenterais, bien sûr, au public, un album Il faudrait que je fasse que des compositions, hein, par rapport aux droits d'auteur. Déjà. Oui. Donc après, j'avais déjà essayé de trouver de trouver donc des petits musiciens donc locaux, des amateurs donc exactement comme moi, hein, pour essayer de d'échanges de bons procédés qui me créent des musiques, et qu'après moi je en contrepartie je les mets sur sur YouTube, Facebook, et j'essaie de les faire découvrir à mon niveau bien sûr. Parce que bon, même si mon ingénieur du son par rapport à mon studio est très très doué dans la guitare, mais bon, comme c'est un professionnel, voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est question de budget. Oui, oui, bien sûr. Si bien sûr, je gagne le loto une fois, mais bon, déjà, je joue pas, donc ça risque pas. Donc, mais il y a plein de choses, hein, de toute façon, voilà, il y a la composition, enfin la composition. Il y a énormément de choses. Ouais. L'écriture, les arrangements. Le mastering. Tout ça, toutes ces choses-là, donc c'est effectivement, c'est énormément de boulot, c'est pas juste on joue et puis voilà. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc effectivement, à ce moment-là, oui, pourquoi pas créer, ça me plairait bien de créer un album juste avec des compositions. Après, bon, c'est surtout qu'il faut aussi se déclarer de partout. Oui, hein, bien sûr. Voilà, ça c'est mes compagnies, donc ça coûte de l'argent. Et ça coûte en fait, et puis comme je ne fais pas vraiment de prestations à côté, c'est des abonnements en fait, et après, c'est vrai que c'est vraiment pas évident, évident du tout, quoi. Après, pour le futur, pour l'instant, à part, bon, maintenant, repasser les castings de The Voice, on continue bien sûr mes enregistrements, enfin mes reprises. Après, c'est vrai que je ne projette pas trop, je me dis toujours, si quelque chose me tombe dessus, ben, je le prends. Oui, bien sûr, et puis des fois... Et puis, je sais pas vraiment, à l'heure actuelle, en fait, ce qui va se passer ou ce qui va en devenir, en espérant que, bien sûr... Et puis, il faut une petite partie de chance aussi, je pense, aussi, hein, dans bah, énormément. Dans ce métier. Beaucoup hein, de chance. Beaucoup de contacts. De contacts, voilà, voilà. Oui, c'est ce que je veux dire. Surtout que, bon, c'est vrai que dans la région actuelle où je vis, bon, on a beaucoup d'orchestres, donc c'est surtout beaucoup de chansons alsaciennes, des chansons allemandes. Genre de trucs, et c'est vrai que je ne fais pas ce genre de choses. J'aime beaucoup reprendre, toujours, comme dit, les chanteurs à voix, et tout ça, et c'est vrai que c'est très compliqué, parce que à l'endroit par rapport où, dans ma région, c'est vrai que c'est bien vu quand même beaucoup les gens qui chantent en alsacien, en allemand. Parce oui, bien sûr. C'est très, très, très, très demandé, en fait. Ah oui, je pense. Ouais. C'est énormément demandé. Et il y a beaucoup d'orchestres par rapport à ça. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Même si maintenant j'avais peut-être encore une voix, même si j'avais la voix de Freddie Mercury ou de Balavoine ou je sais pas qui, je sais même pas si ça irait tout aussi, si ça irait plus facilement, je pense pas du tout, parce que moi il y a des gens qui arrivent à percer beaucoup plus facilement et qui ont peut-être beaucoup plus de talent, c'est sûr, mais beaucoup ont aussi moins de talent et ils percent beaucoup plus facilement car ils ont les contacts et les gens qui sont à côté les pistons, ouais. Parce qu'en Alsace, c'est vrai que ça bouge quand même au niveau des orchestres et tout. Oui, ouais, énormément, énormément. Je veux dire, bon, par rapport à chez nous, dans les Vosges, on voit moins, s'il y a moins de... Enfin, moi, je le dis, j'assume mes paroles, mais je trouve qu'on n'a pas grand-chose, nous, chez nous, dans les Vosges. Bien sûr, il y a quand même des artistes... Le coup aussi, tout ça, mais c'est vrai qu'en Alsace, ça bouge beaucoup, et comme tu disais, la variété allemande, bon, je rebondis un peu là-dessus, parce que moi, j'aime bien la variété allemande, parce que, pourquoi ? Parce que à partir d'un certain moment, tu sais, tout à l'heure, on parlait des années 80, c'est vrai que moi, je suis un ado des années 70, moi, après... J'aurais voulu être à cette époque-là, c'est bon. Ah oui, après les années 80, j'ai aimé aussi, bien sûr, et puis après... 90, je trouvais plus rien pour moi. Il n'y a plus rien qui m'intéressait. D'accord. Oui. À part les grandes pointures, tu sais, bon, style, je sais pas, les grands artistes qui ont passé les décennies, on va dire. Hein, oui, voilà, c'est ça. Qui ont passé les décennies et puis qui, bon, il y en a. C'est vrai, malheureusement, il y en a plus beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup qui ont disparu, mais qui ont traversé les décennies et puis bon, qui sont encore toujours là. Alors en fait, moi à ce moment-là, bon, comme j'ai du sang alsacien et je dois avoir aussi un peu de sang allemand de par ma grand-mère, donc j'aimais beaucoup la variété allemande. Et quand quand je me baladais sur Colmar, Strasbourg, et ben voilà, je découvrais des artistes et puis voilà. Alors je sais pas si tu pourrais pas t'essayer, je veux dire, je sais pas, tu parles allemand? Non, pas. Non, c'est ça le problème. Ah ouais, d'accord. Ici dans notre région, tout le monde parle tellement bien l'allemand. Oui. Donc quand je chante en allemand, ça se voit mais à des kilomètres. Hein. Ouais, d'accord. Encore, je ne parle pas anglais non plus. Ah ouais, après, bah, moi non plus. Voilà, mais bon, je peux chanter en anglais, ça me dérange pas, j'écoute. Ouais. Et je reproduis, surtout que l'anglais est quand même une langue assez simple de prononciation, enfin peut-être pas forcément pour tout le monde, mais oui. Après je suis pas parfait non plus, peut-être dans ma prononciation, ouais, ouais. Mais on va dire, s'il y a une petite erreur, ça s'entend moins, on va dire. Ouais, ben, bon, sur les chansons que j'ai écoutées, c'est pas mal quand même, hein, puisque tu m'avais envoyé deux chansons. Ben, j'ai jamais eu d'avis en fait de quelqu'un qui parle vraiment anglais. Donc, oui, ah ouais, d'accord, ok, ouais. Donc c'est vrai que je sais pas si pour un anglais... Bon, je me dis, tant qu'on me comprend, c'est l'essentiel. Ouais, c'est bien, oui. Bon, on va dire que tu chantes pas en yaourt, quoi, parce que c'est vrai que... Mais je pense qu'il doit y avoir l'accent. Je pense que l'accent doit quand même être là. Ils se rendent compte qu'ils doivent peut-être se dire, si un anglais doit être écouté. Alors je sais pas d'où il vient, lui, mais lui, il est pas anglais. Il n'est pas anglais. C'est sûr. Ok, Emmanuel. Alors, si tu veux, on va écouter donc cette belle chanson, cette belle reprise d'Amir, enfin, où, que tu interprètes. Mm-hmm. Et je trouve que tu interprètes très bien. Merci. Enfin, moi, c'est... Non, non, mais c'est sincère. Et... Je te dis, j'ai été bluffé quand j'ai écouté les chansons. Enfin, la chanson, là, déjà, aussi. Mm-hmm. C'est vrai que, bon, voilà. Et donc, ce titre, c'est « Longtemps ». On écoute ? Oui, pas de soucis. Ok. Des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. T'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nous s'éteigne. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Voilà, longtemps. Donc, belle chanson. Ce n'était pas moi, en fait, là. Comment? Bah, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, là, c'était la version... C'était Amir, en fait, c'était pas moi. Ah oui, ok. Ouais, enfin, je sais pas par le téléphone, mais en tout cas, je me suis dit, mais c'est pas moi qui chante, là. Mais oui, alors, justement, j'en parlais en aparté avec... Avec ma collègue Lia. Je veux pas d'ambiguïté, là, c'est pour ça. Non, t'inquiète pas, il y a pas de souci, mais alors. Je suis pas imitateur de voix, non. Non. Non, mais je sais pas ce qui s'est passé, donc. Je sais pas. J'ai donc reçu les fichiers. Il faut que je voie avec mon agente. Oui, parce que j'avais vérifié. Après, moi, est-ce que c'est ouais, de moi maintenant c'est elle a peut-être fait des bêtises. Alors, elle est à l'écoute, là, je sais pas. Il va falloir qu'on règle ça. Donc désolé, ce n'était pas moi qui ai chanté sur ce coup-ci. Non, mais c'est vrai, quand j'ai écouté, je me suis dit, bon sang, mais c'est drôlement... Ressemblant, oui, effectivement. Ressemblant, quoi, c'est vrai, quoi. Non, mais c'est pas grave. Enfin, on écoutera une autre chanson, Manuel. C'est pas grave, alors. Désolé. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. On est entre nous, tu sais, voilà. C'est comme si on était dans un salon, je dis toujours, on est entre nous, on partage. Bah, je suis dans mon salon, là, effectivement, donc en plus. Ben voilà. Alors, je voulais te passer le bonjour, tu vois, d'une amie, je l'ai citée tout à l'heure dans mon intro, Dany Blondeau, mm-hmm. Alors, je veux dire, Dany est une auteure. D'accord. Elle écrit, et puis elle me met sur... parce que moi, là, j'ai mon smartphone à côté de moi, tu vois. D'accord. Elle me met que tu as un beau grain de voix. Merci, c'est gentil. Et elle me demandait si tu écrivais. Alors je lui ai dit que tu n'écrivais pas, hein, ou voilà. Bah après, je pourrais, enfin on va dire, ce qui est le plus facile, on va dire, pour moi dans ce domaine, c'est écrire. Comme je suis quelqu'un de monde assez romantique, sensible, on va dire que même des poésies ou n'importe, j'ai toujours aimé un peu écrire. Sauf que pour les chansons, je n'ai jamais... Enfin, quand j'étais jeune, j'avais pas mal écrit de chansons, j'avais pas mal composé des chansons, mais que j'avais juste écrit pour le plaisir d'écrire. Je sais même pas si je les retrouve encore, d'ailleurs. Mais comme je n'avais jamais de musicien ou quoi que ce soit, c'est vrai que, on va dire, elles ont été dans un classeur, puis après un peu, on va dire, mis à l'oubli, quoi. D'accord. Mais bon, tu vois, on est écouté, là, donc Dany nous écoute, et donc elle nous passe le bonjour. Bonjour, oui. Et puis, voilà... Elle me dit, ça m'intéresserait. Donc tu vois, éventuellement. On pourrait se mettre en contact. Bah, il n'y a pas de souci. Hein. Avec... Comme dit, mon Facebook et puis ma page YouTube est ouvert à tout le monde. Hein, donc tout le monde a accès pour s'ils veulent des questions ou n'importe. Voilà, d'accord, oui. Alors, j'ai donc Yaline donc, qui me confirme que c'est bien le fichier qu'elle a reçu. Alors c'est ma faute. Ah bah voilà. Non, mais c'est pas grave. Fallait que j'en fasse une. C'était obligé. Non, mais. Fallait que j'en fasse une. Mais écoute, t'inquiète pas, nous arrive aussi, mais moi aussi ça m'arrive de faire une bêtise. Mais c'est pas grave. Pourtant, j'ai tout vérifié au moins plusieurs fois pour être sûr, mais vraiment sûr. Alors, je sais pas comment ça a pu m'échapper en fait. Mais moi, j'aurais dû aussi réagir. Mais après, c'est vrai, tu sais, on écoute tellement d'artistes dans nos métiers. C'est dans normal, nos métiers. C'est normal. À la radio, tu sais, toutes les semaines, bon, je reçois des chansons, en fait, etc. Puis, tu sais, on écoute tellement de... Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des artistes qui chantent, voilà, qui font des reprises. Et c'est pratiquement dans la voix, tu vois. Donc, je me suis dit, c'est vrai que j'aurais peut-être pu réagir, mais je me suis dit, bah oui, bon, pourquoi pas mais c'est bon, il n'y a pas de souci, Manuel, ne t'inquiète pas. C'est vrai, oui, mais il n'y a pas de problème. C'est juste qu'effectivement, j'avais une chance sur... peut-être j'avais effectivement peut-être la version originale, et puis j'avais une autre reprise, et puis j'avais peut-être les mêmes titres, et bien sûr, une chance sur deux. Bon, ben moi, j'ai une chance sur deux, hein, c'est... Voilà. Ouais, non, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Alors... Donc on a parlé un petit peu donc de tes projets. Enfin bon, voilà, je pense que tu avances. Au fur et à mesure. C'est voilà. Hein, c'est peut-être bien aussi de ne pas vouloir tout. Oui, c'est pour pas aussi après être déçu. Pour aller trop vite et être déçu, etc. Et prendre son temps. Hein, puis comme, bon, à l'âge que tu as, je veux dire, voilà, t'as encore le temps de faire quelque chose. Oui, hein. C'est sûr. Tu sais, moi, je connais des artistes que j'ai reçus qui sont plus voilà d'un certain âge, enfin voilà, et puis ça marche bien, hein, tu sais, voilà, tout le monde ne peut pas, tout le monde ne peut pas démarrer tout de suite je sais pas moi, 20 ans ou voilà, peut-être effectivement c'est de plus en plus difficile maintenant, peut-être plus facile, mais après c'est de plus en plus difficile, hein, maintenant, je pense, parce que le problème c'est plus un, enfin je vais pas dire c'est plus vraiment un don, hein, parce que bon, si c'était vraiment un don il y aurait énormément de chanteurs, et enfin, si c'était vraiment un don, il n'y aurait pas autant de chanteurs. Il y en a énormément. Bon, je parle hormis des chanteurs professionnels, hein, parce qu'il y a beaucoup de chanteurs, mais qu'on ne connaît pas. Mais il y en a énormément. Et je pense que bon, il y a une part de don, c'est sûr. Il y a aussi une part de don. Après, la beauté de la voix, les capacités vocales. Mais après, c'est comme un sport. C'est en travaillant, et puis en s'exerçant, et puis surtout qu'on a plaisir, qu'on devient meilleur. C'est exactement comme un sport. Après, il y a des gens, ils vont apprendre beaucoup plus vite, il y a des gens, ils vont apprendre plus lentement. Mais on va dire, à la base, tout le monde pourrait chanter juste. Tout le monde pourrait chanter. C'est juste qu'après, voilà, il y en aura qui auront des plus belles voix, des voix plus impressionnantes, des voix plus hautes, plus graves. Bon, moi, spécialement, j'ai pas une voix très très grave. Pour ça, j'avais dit aussi, d'ailleurs, que quand j'ai chanté Amir, effectivement, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et après, vocalement, on va dire, c'est pas une chanson où je suis forcément très très à l'aise, puisque comme j'ai pas une voix, on va dire, spécialement grave, on va dire, je peine plus à chanter ce genre de chanson que maintenant, par exemple, chanter du balavoine ou ce genre de choses. Ce qui est pas logique, mais voilà. Ok. Alors, Manuel, j'aimerais bien qu'on réécoute encore une chanson, parce que oh, ça passe vite. Il est 16h55. Oui, pas de soucis. Ouais, ça passe vite. Alors, j'avais choisi le titre Tant qu'on rêve. Tant qu'on rêve encore. Tant qu'on rêve encore. Oh là, tu vois, je fais des erreurs aussi, moi. Tant qu'on rêve encore. Donc là, tu es accompagné d'une chanteuse, c'est ça? Oui, s'appelle Saïfa. Saïfa, oui. Je l'ai rencontrée à un concours, d'ailleurs, qu'elle avait gagné, justement. Ouais. Donc elle l'avait gagné. Et puis en fait, bon, elle a fait l'unanimité. Elle avait une voix vraiment impressionnante. Et puis elle avait chanté sur une composition. Et alors, je l'avais contactée. Puis je lui ai demandé si elle voulait faire un duo. D'accord. Et c'était un beau duo. J'ai écouté. On va l'écouter de toute façon. Voilà. Tant qu'on rêve encore. C'était une fois, c'est comme ça qu'une histoire commence. On a tous en mémoire un reste au fond de soi d'enfance. On part pour la vie. Rien n'est perdu. fois, tout commence comme ça. On prend son histoire. Il était une fois. La vie comme elle va, avec ses erreurs, ses manques et ses lois. Pour croire le bonheur. Avec ses erreurs. Souvent loin de soi. Alors qu'elle bat. Voilà, tant qu'on rêve encore, Manuel. Ouais, voilà. Belle chanson aussi, et ça fait du bien, je trouve, d'écouter cette chanson-là. Tant qu'on rêve encore, on en a besoin. Oui, c'est vrai, hein, tout à fait, surtout dans ce monde aujourd'hui. Hein. Ah oui, dans ce monde on de fou. On a besoin de rêver. Hein. On a besoin de rêver. Hein. Effectivement, oui. C'est vrai, oui. Ouais. Effectivement. Voilà, il est 17h, alors bon, ça, le temps passe vite. Oui, c'est vrai. Ah, le temps passe vite. Alors, moi, ce que je te propose, c'est que bon, on n'a pas pu écouter toutes les chansons. Oui, bon, après, comme dit, toutes ces chansons-là sont bien sûr, et puis plein d'autres encore. Je crois que j'en ai à peu près 29 ouais. ou 30. À part mes interviews, je fais des émissions coup de cœur. Donc, dans ces émissions coup de cœur, je rediffuse des artistes que j'ai reçus en live ou en phoneur. Donc voilà, je repasserai une ou deux chansons, tu vois, de ce que tu as fait prochainement, hein, dans mes émissions coup de cœur. Y a pas de souci, si vous voulez que je vous renvoie Amir, je vous renverrai Amir. Non, parce que, alors... je regardais mon amie Dani, qu'est-ce qu'elle me raconte, elle me disait, non, bon, voilà. Alors, écoute, Manuel, je te remercie. Bah, merci à vous, hein. Merci, c'est vrai que ça a passé vite. Oui, c'est vrai. Ça a passé vite et tout, mais bon, c'est un plaisir de te recevoir. Ouais, et puis, pourquoi pas une prochaine fois, plus tard. Il n'y aurait pas de souci. Hein. De toute façon, on reste en contact, hein, bien sûr. Et si, bien sûr, un projet se concrétise prochainement, enfin, voilà, tu nous en fais part. Hein, fais part et puis on fera une émission. Il hein. n'y a pas de problème. Voilà. Donc merci à toi, je te souhaite bonne continuation, bonne chance dans les futurs projets. Hein, Merci, c'est gentil, puis je vous souhaite aussi du coup à vous et à toute votre équipe aussi de continuer à apporter du bonheur aux gens. Ouais, ok, merci, c'est gentil, merci à toi, à très bientôt. À très bientôt, merci okay. beaucoup, au revoir. Au revoir. Amis auditeurs, auditrices, voilà, l'émission se termine. Passez une bonne soirée. Portez-vous bien. Merci Lia. Bye bye.